Voici votre butin régional. Le 29 juillet à 20h à l'église Trinity de Rushir sera présenté un concert de la série Alfred sur la route du festival Alfred 2015. Concert classique d'été, gratuit pour tous. Le 30 juillet est la date limite pour faire parvenir son CV au 54 rue Bibeau, Rushir, à l'attention du comité de sélection afin d'appliquer sur le poste de directeur ou directrice générale de la Maison de la famille du Haut-Saint-François, La Relève. Dans le cadre des concerts de la gare de Hastings, on nous offre une soirée découverte le 30 juillet dès 19h30. Sur grand écran au parc Nicoll de Hastings le 31 juillet à 20h30, projection du film Paddington. En cas de pluie, au pavillon des sports sur la rue Saint-François.